Le tigre. Un voyageur anglais raconte l'intimité où il vivait avec un tigre. Il l'avait élevé et le caressait, mais toujours sur sa table tenait un pistolet armé. Julien ne s'abandonnait à l'excès de son bonheur que dans les instants où Mathilde ne pouvait en lire l'expression dans ses yeux. Il s'acquittait avec exactitude du devoir de lui dire de temps à autre quelques mots durs. Pour la première fois, Mathilde aima. Comme il fallait cependant que l'orgueil se fît jour de quelque façon, elle voulait s'exposer avec témérité à tous les dangers que son amour pouvait lui faire courir. C'était Julien qui avait de la prudence. Le soir au salon, au milieu de 60 personnes, elle appelait Julien pour lui parler en particulier et longtemps. Sa conduite envers messieurs de Croisenois, de Lutz, etc., parfaitement polie pour la forme, n'était guère moins provocante au fond. Mathilde se reprochait vivement toutes les confidences faites jadis à Julien, et d'autant plus qu'elle n'osait lui avouer qu'elle avait exagéré les marques d'intérêt presque tout à fait innocentes dont ces messieurs avaient été l'objet. Aujourd'hui, à peine un de ces messieurs lui parlait-il quelques instants qu'elle se trouvait avoir une question à faire à Julien, et c'était un prétexte pour le retenir auprès d'elle. Elle se trouva enceinte et l'apprit avec joie à Julien. Cette annonce frappa Julien d'un étonnement profond. Il fut sur le point d'oublier le principe de sa conduite. Comment être volontairement froid et offensant envers cette pauvre jeune fille qui se perd pour moi ? Je veux écrire à mon père, lui dit un jour Mathilde. Mais il me chassera avec ignominie. C'est son droit. Il faut le respecter. Je vous donnerai le bras et nous sortirons par la porte cochère en plein midi. Il ne pense qu'à vous faire duchesse, j'en suis certain. Jugez de son malheur. Voulez-vous dire, jugez de sa vengeance ? Je puis avoir pitié de mon bienfaiteur, être navré de lui nuire, mais je ne crains et ne craindrai jamais personne. Depuis qu'elle avait annoncé son nouvel état à Julien, c'était la première fois qu'il lui parlait avec autorité. Jamais il ne l'avait tant aimé. L'aveu à M. de la Mole l'agita profondément. Allait-il être séparé de Mathilde ? Le soir, il avoua à Mathilde ce sujet de chagrin. Elle changea de couleur. « Réellement ? » lui dit-elle. « 6 mois passés loin de moi seraient un malheur pour vous ?»« Immense. Le seul au monde que je vois avec terreur. » Le mardi fatal arriva. À minuit, en rentrant, le marquis trouva une lettre. « Mon père, tous les liens sociaux sont rompus entre nous. Il ne reste plus que ceux de la nature. Après mon mari, vous êtes et serez toujours l'être qui me sera le plus cher. Mes yeux se remplissent de larmes. Je songe à la peine que je vous cause. Si votre amitié veut m'accorder une petite pension, j'irai m'établir où vous voudrez avec mon mari. Son nom est tellement obscur que personne ne reconnaîtra votre fille dans Madame Sorel. Voilà ce nom qui m'a fait tant de peine à écrire. Je redoute pour Julien votre colère si juste en apparence. Je ne serai pas duchesse, mon père, mais je le savais en l'aimant, car c'est moi qui l'ai aimé la première, c'est moi qui l'ai séduit. Je tiens de vous une âme trop élevée pour arrêter mon attention à ce qui est ou me semble vulgaire. Je ne puis empêcher que vous ne soyez irrité comme père, mais aimez-moi toujours comme ami. » Après 24 heures, pourquoi seriez-vous irrité contre lui ? Ma faute est irréparable. Vous ne le verrez point, mais j'irai le rejoindre où il voudra. C'est son droit, c'est mon devoir. Il est le père de mon enfant. Si votre bonté veut bien nous accorder 6 000 francs pour vivre, je les recevrai avec reconnaissance. De quelque bas degré qu'il parte, j'ai la certitude qu'il s'élèvera. Avec lui, je ne crains pas l'obscurité. S'il y a une révolution, je suis sûr pour lui d'un premier rôle. Mon Julien attendrait une haute position même sous le régime actuel s'il avait 1 million et la protection de mon père. Que faire ? Se disait Julien pendant que M. de la Mole lisait cette lettre. Julien fut brusquement interrompu par le vieux valet de chambre de M. de la Mole. Le marquis vous demande à l'instant, vêtu ou non vêtu. Le valet ajouta à voix basse en marchant à côté de Julien, « Il est hors de lui. Prenez garde à vous. »